Nous sommes en compagnie de Nicolas Bivert et nous parlons des comètes, hein, ces étranges messagers, en tout cas d'une certaine époque, en tout cas aujourd'hui, ces fossiles du système solaire. On peut parler de ça, en tout cas, on peut parler du mot fossile. Et est-ce qu'on sait, Nicolas Bivert, ce qui se passe à la surface de la comète quand elle s'approche du Soleil? L'idée fondre, qu'est-ce que ça signifie si on était à la surface qu'ont vu les sondes? Alors. On se pose encore beaucoup de questions. Les sondes, pour l'instant, n'ont fait que des instantanés de la surface du noyau d'une comète. C'est-à-dire qu'on a vu un instant à quoi ça ressemblait, mais on n'a pas vu évoluer avec le temps. Et ce qu'on attend justement qu'une mission comme Rosetta, c'est voir comment ça se passe en fonction du temps. Ce qu'on a remarqué, et ce qui nous a surpris, c'est qu'il y a très peu ou pratiquement pas de glace à la surface. Donc ce qu'on pense, c'est que, et ce qui a montré en partie quand même la mission Deep Impact, c'est qu'il y a de la glace d'eau, mais... probablement un peu en profondeur, sous une couche qui fait que quelques centimètres à un mètre d'épaisseur, une couche qui est essentiellement composée de poussières, qui sont probablement en fait des poussières qui sont des résidus de l'activité passée. Et il est possible que les comètes nouvelles aient au contraire plus de glace d'eau à la surface. Elles sont fraîches. Elles sont fraîches, voilà, donc elles sont couvertes de givre si on veut, et c'est ce givre qui va donc passer sous forme de gaz. Et donc entraîner avec lui d'autres molécules. Et probablement pour les comètes plus anciennes, ça se passe un peu sous la surface. On a toujours l'impression d'avoir un peu, comment s'appelle ce dessert, une crème brûlée, c'est ça? On chauffe avec une flamme et puis ça, il y a une croûte à la surface et de temps en temps il y a des choses qui gercent et qui crèvent. C'est un peu ça l'image de la comète? Oui, alors bon, on sait que ça reste quand même un matériau qui a très peu de cohésion, quoi. C'est quelque chose, c'est pas une croûte aussi dure que celle de la crème brûlée, je dirais. Bon, ça dépend peut-être des comètes, mais alors, peut-être que justement des comètes qui ont des sursauts assez marqués ont une croûte, je dirais, qui est plus imperméable, si on veut. Il faut que des poches de gaz explosent pour rendre l'activité, alors que d'autres comètes, au contraire, c'est un matériau qui a une cohésion aussi faible, je dirais, que du sable ou de la cendre, et le gaz passe à travers sans problème, quoi. Il y a une taille minimum, ou en tout cas moyenne, d'une comète. C'est quoi un noyau cométaire en taille? Alors, en taille, je dirais, ce qu'on observe, et la plupart des comètes pour lesquelles on a pu estimer la dimension, c'est de l'ordre du kilomètre, mais c'est vraiment un ordre de grandeur. Mmh. Ça varie typiquement entre 1 et 10 kilomètres. Bon, les plus grosses comètes qu'on connaisse, il y a la comète Pampalbop, qui était spectaculaire, qui est une des comètes les plus actives qu'on ait jamais observées dans le noyau avoisiné les 50 kilomètres de diamètre. Il y a des objets issus de la ceinture de Kuiper, comme Chiron, qui a une activité cométaire qui fait 180 kilomètres de diamètre, mais qui se rapproche jamais beaucoup du Soleil, donc c'est jamais un objet spectaculaire. Et il y a des comètes, des morses qu'on a découvert, ou quelquefois qui sont des fragments de comètes qui vont jusqu'à des dimensions qui font de quelques mètres. Hein. Fragments de comètes, ça veut dire que les comètes peuvent se briser en morceaux en s'approchant du Soleil. C'est ce qu'on a vu quand même assez récemment avec un grand nombre de comètes, hein, quand on voyait le noyau se briser en morceaux, enfin presque des morceaux partir, quoi. Ah, tout à fait, mais justement là, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai l'image de la boule de neige sale. C'est un noyau de comète, c'est une boule de neige qui se casse tout seul pratiquement, c'est ça. Donc de temps en temps, la boule de neige se tombe en morceaux, et on a du fait de son activité, hein, c'est comme on laisse une boule de neige fondre au soleil, elle va se casser toute seule, c'est un peu ça, hein. Donc on a des fragments de comète périodiquement, et je crois que statistiquement tous les siècles pratiquement les comètes se fragmentent, hein, presque toutes. C'était ça Schumacher-Levy? Quand oui. Schumacher-Levy est entré en collision avec Jupiter. Alors Schumacher-Levy, c'était un peu particulier parce que elle s'est pas cassée sous le fait de sa propre activité, donc du fait du chauffage par le soleil, mais du fait qu'elle est passée trop près, si on veut, de Jupiter. Et là, c'est les forces de marée qui l'ont cassée. Et ça a permis justement d'estimer la cohésion du noyau, et on a vu que c'était vraiment extrêmement faible. C'est-à-dire que vraiment là, c'était la cohésion d'une boule de neige et non pas d'un glaçon, quoi. Donc il faut pas grand chose pour casser une comète, et bon, après ça, son histoire a voulu qu'elle tombe sur Jupiter, mais ça c'est indépendant. Vous y avez déjà répondu un peu, mais c'est quoi le destin d'une comète? C'est systématiquement de se briser, ou je dirais que à force de passer régulièrement, si elle est périodique, près du Soleil, finalement c'est de fondre petit à petit. Et d'ailleurs, de combien font-elles à chaque fois? Alors voilà, c'est la question intéressante, parce que c'est un petit peu la vie des comètes. Effectivement, en moyenne, je dirais, c'est un ordre de grandeur, mais une comète va perdre de l'ordre de 1 mètre réparti sur sa surface de matériaux à chaque passage près du Soleil. Bon, quand je dis 1 mètre, ça peut varier entre 10 cm et 5 mètres suivant les comètes. Pour une comète qui fait de l'ordre, mettons, on va dire 10 km de diamètre, 1 mètre, on fait le calcul, ça fait quoi? Ça fait 10 000 passages près du Soleil. Elle revient tous les 10, 100 ans, donc au bout de, je dirais, 100 000 ans, une comète... théoriquement, comme ça, elle disparaît. Alors, à la fin, elle va soit se briser en morceaux, qui va accélérer, si on veut, sa dégénérescence, si on veut, sa disparition. On a même vu des comètes comme ça se fragmenter, comme la comète 1999 S4 Linear en 2000, qui s'est fragmentée. On a eu des belles images avec des télescopes spatiales, on voyait des tas de fragments, et en 3 semaines, il n'y avait plus rien du tout. Ou alors d'autres comètes qui viennent de moins en moins actives, c'est-à-dire qu'au contraire, là, c'est un peu la croûte à la surface de poussière qui est dépourvue de glace, qui va un petit peu l'emporter, et qui va donc éteindre, si on veut, la comète avant qu'elle se fragmente. Mais typiquement, ça veut dire qu'une comète qu'on voit, elle a une durée de vie, je dirais, de 100 000 à voire maximum 1 million d'années. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que, en fait, les comètes qu'on voit maintenant, c'est pas celles qu'a vu l'homme de Cro-Magnon. C'est censé se renouveler, quoi. C'est vraiment, on extrait, je dirais, du frigidaire qui est le nuage de Oort ou la ceinture de Kuiper, des éléments ou des carottes pour analyser ce qu'était le système solaire il y a 5 milliards d'années. Alors, la grande révolution, évidemment, et vous en êtes un des témoins actifs aujourd'hui, c'est l'exploration spatiale des comètes. Depuis la comète de Halley 1986, les sondes, alors ça commence avec les soviétiques Vega et puis les européens avec Giotto, investigue in situ, comme on dit, les comètes. Qu'est-ce qu'on a appris? Alors, beaucoup de choses, je dirais, mais c'est complémentaire aussi de ce qu'on fait au sol. Hein. On arrive à... De temps en temps, on a une comète comme la comète Chasson-Vachman 3 qui, en 2006, est passée à 12 millions de kilomètres de la Terre. Donc là, on a... C'est amusant parce que, là, je vais prendre un exemple, la comète Chasson-Vachman 3 qu'on va comparer avec la comète Temple 1. On a eu des résultats presque similaires ou complémentaires. Dans un cas, on a envoyé une mission spatiale sur place. En tout cas, c'est la comète qui est venue vers nous. Mais la première découverte déjà en 86, c'était que le noyau cométaire c'était très sombre. Ça, on s'attendait pas, on savait pas. Justement, bon, on avait l'image de cette boule de neige et puis on savait pas à quel point elle était sale. Et on s'est aperçu que c'est aussi noir que du charbon. Et les trois comètes qui ont été survolées depuis, et puis d'autres comètes dont on a des mesures depuis le sol, ont montré que vraiment la grande majorité des comètes ont un noyau qui réfléchit entre 3 et 5% de la lumière du soleil. C'est vraiment très très sombre. Donc c'est pas de la neige fraîche qu'on a à la surface. Donc ça, c'est une des premières leçons et qu'ont confirmé justement les missions, par exemple vers le noyau de la comète Borelli ou Temple 1. Les mesures en infrarouge ont montré que le noyau, en fait, était beaucoup plus chaud qu'on pensait à la surface parce qu'on n'a pas de glace. En fait, si on avait de la glace, ça serait assez froid parce que la glace passe à l'état de vapeur à une température fixée, tandis que la poussière, un objet noir, hein, comme on sait, quand on met quelque chose que noir au soleil, ça va chauffer beaucoup. Et on observe donc, ce qui est un peu surprenant, c'est que le noyau d'une comète, c'est sombre, c'est chaud, plus chaud qu'on pourrait le penser, et pourtant, il y a quand même de la glace qui passe à l'état de vapeur et qui s'en échappe, quoi. Et on sait de quoi c'est composé? Alors la composition, oui, on a à la fois les mesures au sol où maintenant on a identifié une vingtaine de molécules donc, qui s'échappent du noyau de la comète. Mmh. C'est complémentaire des mesures qui ont été faites in situ, alors surtout par la mission Giotto qui avait un spectromètre de masse, donc qui a pu mesurer la composition chimique du gaz qui entoure la comète. Et quelques mesures avec les autres sondes spatiales étaient moins équipées, donc par contre elle, Rosetta, fera beaucoup de choses de ce point de vue-là. Ça, c'est pour la partie, ce qu'on appelle volatile, donc les glaces, tout ça. Et puis, il y a aussi les poussières. Donc, par exemple, il y a la mission Stardust qui a récolté des poussières en survolant la sonde Vilde 2. Et maintenant, on sait un peu mieux de quoi sont composées donc, ces poussières. Enfin, c'est ce qu'on appelle essentiellement des silicates. Hein, c'est comme des grains de sable. Hein, c'est des composés qui contiennent du fer, du magnésium et de la silice, hein, SiO2. Est-ce qu'on peut dire, comme pour les planètes, finalement, les comètes toutes parentes, mais en même temps toutes différentes? C'est-à-dire que dans chaque comète, il y a une signature particulière. Tout à fait. C'est exactement ça. À chaque fois qu'on observe une comète, on a une composition, composition chimique qui est plus ma spécialité. Jusqu'à présent, je dirais, on n'a jamais observé deux comètes avec la même composition. Et pourtant, en moyenne, elles réagissent un peu de la même manière. La composition n'a pas des différences énormes. Si on compare, par exemple, la composition d'une molécule par rapport à une autre, enfin, ce qu'on appelle l'abondance relative dans les comètes, même si ça varie d'un facteur 10 sur l'ensemble des comètes, ça reste quand même relativement différent de ce qu'on observe, par exemple, dans le milieu interstellaire ailleurs. Quoi. C'est quand même spécifique aux comètes. Quoi. On y trouve des molécules complexes. Alors, plus une molécule est complexe, plus elle est difficile à détecter. Alors, je dirais, les molécules les plus longues, c'est celles qu'on a pu mesurer plutôt en laboratoire, par exemple pour des chaînes carbonées qui ont été observées à partir des échantillons de Stardust. Par contre, à distance, la plus grosse molécule qu'on ait détectée, là, si on a détecté en radio, elle fait 10 atomes. C'est ce qu'on appelle l'éthylène glycol ou l'antigel qu'on met dans, justement, par les temps qui courent dans les molécules. L'antigel dans les comètes. Voilà. C'est la molécule la plus complexe qu'on ait détectée dans la comète Albop parce qu'il fallait qu'il y ait une grosse activité pour détecter Mais il y a certainement des molécules bien plus complexes, hein, peut-être même des acides aminés, mais il faut. Plus la molécule est complexe, en général, moins il y en a, moins elle est abondante, et plus son émission est diluée dans tout le spectre, donc plus elle est difficile à détecter. Est-ce que les comètes sont inactives, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que ce sont des objets qui ont vécu et qui n'ont plus d'activité, ou est-ce qu'il existe une chimie cométaire toujours active et qu'on observe? Alors, a priori, non. Les comètes elles sont pratiquement, j'irais, intactes depuis la formation du système solaire. C'est-à-dire que, bon, elles sont formées donc par l'agrégation de différentes molécules. Enfin, la nébuleuse s'est refroidie, enfin, elles sont formées à des distances relativement lointaines du Soleil. Donc, il y a la glace d'eau qui a piégé toutes ces molécules, hein, qui étaient justement, c'est un petit peu, elles ont figé un petit peu l'environnement de la formation des planètes il y a donc 4,56 milliards d'années. Et depuis, comme elles sont restées pendant ces 4,5 milliards d'années à des distances assez lointaines, hein, que ce soit dans le nuage de la ceinture de Kuiper, quand on est à plus de 30 unités astronomiques du Soleil, ou dans le nuage de Oort, donc à près de 50 000 unités astronomiques du Soleil, les températures ont été au maximum de 30 Kelvin jusqu'à même pas 10 Kelvin, et à ces températures-là, il ne se passe plus rien. Alors, il y a peut-être une au début, en fait, on pense. Quand elles sont formées, pour les plus grosses, hein, probablement les plus gros noyaux cométaires sont peut-être les objets de la ceinture de Kuiper qui font jusqu'à 1000 km de diamètre. Il y a peut-être ce qu'on appelle une différenciation, c'est-à-dire que une énergie liée à la masse, liée à certaines activités radioactives, notamment de l'alumium-26, on libère un peu de chaleur qui fait que peut-être dans certaines comètes, il y a eu une phase liquide à l'intérieur, hein, comme on a peut-être souvent cela dans ce moment, satellite de Saturne. Et là, il y a un petit peu de chimie qui s'est passée là-dedans. Mais cette activité a duré pendant les peut-être premières centaines maximum de millions d'années. Et depuis, tout est glacé, tout est figé. Et donc, ça n'évolue plus. Alors, maintenant, on observe une comète, je dirais, c'est un échantillon intact de la formation du système solaire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend justement de cette matière qui était à l'origine du système solaire? Parce qu'on dit souvent, c'est une très belle image, hein, que la comète, c'est un peu la pierre de Rosette, hein, du système solaire. Ça doit nous aider à comprendre comment ça s'est formé. On a l'impression, en vous écoutant, que si elles sont toutes différentes, le puzzle doit être extrêmement compliqué à réunir, puisque en fait c'est pas un matériau homogène, semble-t-il. Donc qu'est-ce qu'on apprend et en quoi ça contraint les modèles de formation du système solaire? Alors on s'attend à ce qu'elle soit éventuellement différente, parce que la composition de la nébuleuse dans laquelle est née les planètes n'était pas la même en tout point. Donc ce qu'on pense, c'est que justement cette différence de composition, et justement on observe des comètes qui sont plus riches, ce qu'on appelle en éléments volatiles, ça, par exemple le monoxyde de carbone, le méthane, des molécules qui s'échappent très facilement, il y en a plus dans certaines comètes que dans d'autres. On se dit probablement que ces comètes qui sont plus riches en éléments volatiles, ce sont des comètes qui sont formées plus loin du Soleil, parce qu'il a fallu des températures plus froides pour les piéger, tandis que celles qui étaient plus proches du Soleil au niveau de Jupiter sont moins riches. Donc là, on échantillonne. Alors la difficulté, c'est de trouver une autre voie pour déterminer où sont formées les comètes, pour dire bon, cette comète-là s'est formée à cette tête des distances du Soleil pour une raison X ou Y, et on mesure une telle composition, donc la composition du système solaire était à tel endroit. Alors bon, il y a plusieurs traceurs, hein, donc on a la composition chimique, après ça, pour certaines molécules, on a aussi des propriétés qui sont liées à la molécule, comme ce qu'on appelle d'une part les rapports isotopiques. Donc le plus important, c'est ce qu'on appelle le rapport deutérium sur hydrogène dans l'eau. C'est-à-dire que vous savez, l'hydrogène, il y a deux formes. Il y a la forme simple classique qu'on trouve partout, qui est un proton avec un électron autour, et puis la forme deutérium, on a rajouté un neutron dans le noyau. Donc si on veut l'hydrogène lourd, et lui, donc il y en a beaucoup moins que l'hydrogène léger, mais bon, ça représente alors, je sais plus, c'est un 5 000e, je crois, dans les océans terrestres. Et puis, alors, dans les comètes, on observe quasiment deux fois plus. Donc, ça, c'est une des premières énigmes, d'ailleurs. Bon, donc, mais par contre, dans Jupiter, l'atmosphère de Jupiter, il y en a beaucoup moins de deutérium. C'est-à-dire qu'on est encore. J'ai donné un chiffre comme ça, mais je crois que c'est l'ordre du 30 000e. C'est-à-dire qu'un atome de deutérium pour 30 000 atomes d'hydrogène. Donc, bon, là, il y a un petit peu de la chimie qui s'est passée dans le système solaire, qui est un petit peu complexe. C'est-à-dire que dans Jupiter, c'est le deutérium qu'on trouve surtout dans l'hydrogène, alors que sur la Terre et dans les comètes, c'est dans l'eau. Mais tout ça, ça nous apprend un petit peu aussi. Ça contraint les modèles, justement, qui vont dire quelle est la chimie qui s'est passée dans le système solaire, pour dire cette comète, si justement on observe un rapport qui est le même que sur Terre, ou qui est deux fois plus ou trois fois plus que sur Terre, elle s'est peut-être formée des endroits différents. Donc vous établissez en fait une carte spatio-chimique, si je puis dire, de la distribution des éléments chimiques dans le système solaire primitif. Voilà, c'est-à-dire qu'on a différents traceurs. Donc je dis, parler des rapports de thorium sur hydrogène, donc on a des rapports isotopiques pour d'autres molécules aussi. Après ça, il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées, qui sont ce qu'on appelle le rapport ortho sur para, qu'on retrouve sur plusieurs molécules, toutes les molécules qui ont au moins deux atomes d'hydrogène, on peut avoir ça, qui vont nous dire aussi que cette molécule a été fabriquée à telle température. Ça, c'est des choses qui a priori n'ont pas évolué depuis la formation des comètes. Donc on peut mesurer ça pour des molécules comme le méthanol, comme l'eau, comme l'ammoniac, comme le méthane, tout ça. Donc ça, c'est des contraintes plus sur la température de formation. Donc on a des modèles qui vont nous dire que bon, la température dans la nébuleuse primitive était tant à telle distance, telle à telle distance. Donc on a ça, puis on va dire bon, donc cette comète est peut-être formée à cette distance-là. En plus, elle a cette composition chimique-là. Donc on sait qu'il y avait telle molécule qui était plus abondante à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Bon, c'est assez compliqué, il faut faire tourner des modèles. Souvent, les observations nouvelles remettent en cause certains modèles, mais bon, c'est passionnant, quoi. Mais oui, vous les faites bien parler, les comètes, quand même. Oui, alors maintenant, justement, je dirais depuis 20 ou 30 ans, on a quand même des techniques qui sont bien plus performantes et on arrive, je dirais pratiquement sur chaque nouvelle comète, je dirais visible à l'œil nu, à identifier une dizaine de molécules. On arrive maintenant pratiquement, on espère au moins dans un avenir proche, ou si les conditions, souvent, ne serait-ce que la météo, sont favorables, à mesurer ces rapports isotopiques peut-être une comète par an, surtout avec les instruments qui vont entrer en service dans les années à venir, quoi. Combien on en connaît de comètes aujourd'hui, utilisables entre guillemets pour l'astronomie, c'est-à-dire alors, qu'on peut investiguer vraiment? Voilà, on va faire un peu une proportion. Je crois qu'on a estimé que le nombre total de comètes qui ont été identifiées approche les 3000 depuis que les hommes les observent. Alors sur ces 3000 comètes, il y en a la grande majorité qui sont des comètes qui sont passées qu'une seule fois près du Soleil. Actuellement, on a répertorié un peu plus de pratiquement 210 comètes qui reviennent périodiquement. Et malheureusement, nous, pour avoir vraiment des informations précises sur les comètes, on s'intéresse peut-être aux deux ou trois comètes par an qui atteignent, je dirais, en gros, pour donner un ordre de grandeur, la visibilité soit à l'œil nu, soit aux jumelles, quoi. Il faut que ces comètes soient aussi brillantes que ça, c'est-à-dire qu'elles soient suffisamment actives pour qu'on puisse détecter suffisamment de molécules et autres choses pour avoir des informations scientifiques. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Qu'elle passe près, qu'elle soit brillante, qu'elle soit fraîche, pour avoir de l'information de haute qualité? Si on veut résumer rapidement, je dirais, si une comète est visible à l'œil nu, on pourra obtenir des choses intéressantes. Alors, visible à l'œil nu, ça veut dire qu'elle passe suffisamment près du Soleil pour être active, donc il faut qu'il y ait beaucoup de gaz qui s'en échappe, et puis près de la Terre aussi pour qu'elle soit brillante, et pour nous aussi, on a besoin qu'elle soit... Alors après ça, il y a des petites subtilités, ça dépend des techniques, c'est-à-dire que en radioastronomie, on a l'avantage parfois qu'on peut observer une comète tout près du Soleil. Ça nous est arrivé d'observer des comètes à 5 degrés du Soleil. Donc, il y en a qui n'étaient peut-être pas visibles à l'œil nu, mais elles auraient été visibles à l'œil nu si le Soleil n'avait pas été là. Par contre, il y a d'autres techniques en visible ou en infrarouge qui ne permettent pas d'observer tout près du Soleil. Donc, Quel est le mécanisme qui se met en place dans la communauté professionnelle et amateur? D'ailleurs, quand une comète est signalée, on se dit « elle est belle ». Comment ça fonctionne? Qui pointe quoi? Quels instruments? C'est une vraie communauté? Alors, c'est une communauté, ceux qui étudient les comètes, qui est pas très grande. Dans le monde, on est peut-être au maximum, un millier, du point de vue scientifique, peut-être plus, du point de vue amateur, s'intéresser. Et on est souvent un petit peu à se battre contre les autres astronomes pour pouvoir observer nos comètes, parce que on a à la fois l'intérêt d'observer des objets qui sont pleins de suspense, parce que c'est une comète, c'est très imprévisible, mais d'un autre côté, c'est pas pratique pour planifier les observations. Donc on bouscule un petit peu les programmes. Alors, il y a des comètes. L'avantage maintenant des grands surveys qui découvrent des comètes longtemps à l'avance, c'est qu'on peut prévoir assez longtemps à l'avance d'observer des comètes. Là, par exemple, en février prochain, je vais observer une comète qui a été découverte voici plus d'un an. Donc on a pu demander du temps, parce qu'en général, maintenant, quand on veut observer un objet en astronomie, il faut demander du temps 6 à 9 mois à l'avance. Mais si on prend l'exemple d'il y a un peu plus d'un an de la comète Homs, qui est passée tout d'un coup de la magnitude 16 à 2, quoi, et demi, c'est-à-dire qu'elle est devenue visible à l'œil nu en moins de 24 heures, il a fallu réagir très vite parce que ça n'a pas duré très longtemps. Et là, on a bousculé un petit peu à coup de téléphone au responsable du télescope, de trouver si quelqu'un sur place pouvait faire une observation. Et en à peine 24 heures, 36 heures, on a réussi à avoir des premières observations, quoi. Mais il faut déjà avoir une expérience, connaître un peu l'instrument, le personnel, avoir prouvé un petit peu sa capacité à tirer les résultats scientifiques pour faire ça, quoi. De quels instruments vous parlez, par exemple? Ce que vous allez observer, c'est quel télescope? Alors là, en ce qui concerne mon équipe, on a par exemple utilisé le radiotélescope de Nancy. Dire la comète, on a su, c'était le 24 octobre à midi, un peu avant midi, par des informations qui venaient des amateurs, tout ça, qu'il y avait cette comète qui a explosé. Et donc le lendemain à midi, parce que c'était à midi qu'on pouvait l'observer avec le radiotélescope de Nancy, on l'a détecté, quoi. Et je dirais, et dans la soirée du lendemain, donc le 25 au soir, dans la nuit du 25 au 26, on a pu l'observer avec le radiotélescope de 30 mètres qui était en Espagne, en ayant passé des coups de fil, tout ça. Quoi, C'est mobilisation immédiate. Et il a fallu réagir très rapidement parce que 3 jours après, la quantité de gaz qui s'échappait du noyau de la comète avait été divisée par 10. Donc il ne s'agit pas de dire, bon, bah, on vous donnera du temps la semaine prochaine parce que ça sera trop tard. C'est pas une science très au point, la prédiction de l'éclat d'une comète ou en tout cas de son activité. On s'est rendu compte que parfois on annonçait de très belles choses et puis il se passait rien. Puis certaines comètes qui étaient tout à fait anecdotiques devenaient d'un coup extrêmement brillantes. Là, la prévision, elle n'est pas facile à faire. Voilà, bah, je dis que c'est un petit peu aussi difficile que prévoir la météo à une semaine à l'avance. Ouais. Il y a des comètes qui ont un comportement régulier, c'est-à-dire que surtout les comètes périodiques, parce que les comètes périodiques qu'on voit revenir tous les 6-7 ans, on commence à connaître un peu leur comportement. Il y en a, on peut prendre l'exemple de la comète d'Arrest qui est passée l'été dernier, qui est une comète très particulière parce que son maximum de luminosité a lieu un mois après qu'elle passe au plus près du Soleil. Et un mois avant, elle est 100 fois plus faible. Et on a observé ça à chaque passage près du Soleil. Donc là, on peut prévoir à se tromper de peut-être moins d'un facteur 2 ou 3 sur sa luminosité à l'avance. Mais il y a d'autres comètes, même des comètes périodiques, on peut donner l'exemple d'une autre comète qui a un nom un peu compliqué, Tuttle-Giacomini-Crézac, qui a la particularité d'avoir des sursauts très importants, imprévisibles, mais assez souvent. Le dernier passage, il n'y a eu aucun sursaut, mais le précédent, il y avait un sursaut de 4-5 magnitudes, et puis quelques années avant, il y a eu un moment, elle est passée visible à l'œil nu en 24 heures aussi. Donc, bon, il y a une moyenne un petit peu pour prévoir un modèle moyen, si on veut pour prévoir la luminosité d'une comète, mais on sait très bien qu'il y a une incertitude importante. Et souvent, il y a autant de mauvaises surprises que de bonnes surprises aussi.